Laisse les nuages ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Jusqu'à l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Simply cozy.